Bonjour mes frères et sœurs, nous allons terminer le chapitre 7 aujourd'hui sur le thème Jésus supérieur à Aaron. Nous allons mettre une conclusion à tout cela. Et je crois que l'auteur ici, en partie, fait un résumé de tout ce qu'il a dit sur ce sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, afin qu'on puisse bien saisir la grande vérité à ce sujet. Notre Père du ciel, béni sois-tu, tu nous fais tellement de bien par ta parole, tu nous fortifies, tu nous amènes à la louange, à l'admiration. Tu nous amènes l'appel de notre cœur, comme de quoi nous sommes tes enfants pour toujours. Tu nous fortifies par le fait que tu nous montres que c'est toi qui es l'initiateur, le pourvoyeur du salut de tes enfants. Conduis-nous ce matin, encore une fois, à contempler le Fils dans toute sa perfection. Au nom de Jésus. Amen. Je résume ce thème sur la prêtrise de Jésus. On a vu ensemble au chapitre 2 et 4 et 5 que Jésus était un souverain sacrificateur rendu semblable à ses frères afin qu'il puisse intercéder pour ses frères. Rendu semblable veut dire non pas qu'il était rendu semblable au sens qu'il est devenu pécheur, mais rendu semblable en tant qu'être humain. Et on a vu ça ensemble. Si tu veux être le sacrificateur parfait entre deux groupes, divin et humain, tu dois avoir les deux groupes. Tu dois être divin et humain. Jésus était divin et humain. Il a bien montré aussi qu'il était divin et humain par le fait qu'il était sans péché. Les prêtres qui sont dans ce monde, tous les grands chefs religieux, tous les prêtres, les saints qu'on connaissait, tous des pécheurs, comme vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on se fierait, qu'on se confierait dans des pécheurs comme nous? Dieu dit dans le prophète Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, parce qu'il est un homme pécheur. Comment je peux-tu me fier à des hommes et des femmes que Jésus déclare comme étant pécheur, mauvais, tortueux. Mais je peux me confier en Jésus-Christ, lui qui est le sacrificateur parfait, sans péché, sans péché. Et l'auteur nous dit que les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek sont plus grands que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, parce que Melchisédek a béni Aaron de la part de Dieu, Aaron en Abraham, et Abraham ou Aaron en Abraham a offert la dîme à Dieu dans la louange de l'adoration en la donnant à Melchisédek. Donc il dit, Melchisédek a béni Abraham, donc il était son supérieur, et Abraham a donné la dîme, et donc était son inférieur. Et Aaron étant en Abraham, parce qu'il était son ancêtre, Aaron était inférieur aussi à Melchisédek. Et on a vu ensemble que l'auteur a fait ressortir dans le psaume 110 que Dieu avait juré et avait dit à Jésus, avait prophétisé la venue d'un deuxième Melchisédek, qui était Jésus, et lui a dit, tu vas être sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, pour toujours, je le jure. Et on a vu hier, à cause de cela, il est garant d'une nouvelle alliance plus excellente, parfaite. On a vu Aaron et la loi mosaïque ne pas pu rien amener à la perfection, mais Jésus, avec la nouvelle loi ou le nouveau sacerdoce, va amener les gens à la perfection. Ce matin, nous allons terminer le chapitre 7 en lisant à partir du verset 25 jusqu'à 28. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui était parfait pour l'éternité. Donc l'auteur ici dit, car aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Le pour cela, c'est ce qu'on avait vu hier, que du fait qu'il est un souverain sacrificateur parfait, qu'il a reçu un serment de la part de Dieu et qu'il est toujours vivant. Donc, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, l'auteur est dit ici, Jésus joue son rôle de sacrificateur parfaitement. Il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, par lui. Donc, toute personne qui s'approche de Dieu seule, sans médiateur, sans intercesseur, sans grand prêtre, va être condamnée, rejetée, détruite, jugée, rejetée. Mais si tu t'approches de Dieu par un autre prêtre que Jésus lui-même, tu peux pas, parce que tu peux pas être amené à la perfection par un autre prêtre avec des sacrifices selon la loi de Moïse. Tu peux pas. Donc, tu peux pas t'approcher de Dieu parfaitement. Dans cette alliance, on s'approchait de Dieu imparfaitement, symboliquement, et on n'obtenait jamais le pardon des péchés parfaitement, parce que tout était imparfait. On l'a vu hier. La loi de Moïse et Aaron ne pouvaient pas emmener à la perfection. Parce que si elle aurait pu le faire, Dieu n'aurait pas annoncé la venue d'un autre Melchisédek. Donc, il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Si on s'approche de Dieu par un grand prêtre comme Jésus. Par là, on reconnaît notre imperfection, on reconnaît notre péché. On sait qu'on n'est pas capable de s'approcher de Dieu parce qu'on est des pécheurs. Donc, ça nous prend un intercesseur. C'est pour ça qu'il dit, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Donc, n'importe qui, dans toute l'histoire, qui s'approche de Dieu par Jésus, Jésus le sauve parfaitement. Jésus efface les péchés parfaitement et lui permet d'entrer dans la présence de Dieu parce que ses péchés sont effacés. Je crois personnellement qu'il ne faut pas appliquer ce texte-là à la prière, comme certains font, mais Jésus intercède pour nous en faveur du texte dans notre salut. Il nous sauve parfaitement. Et on a besoin d'un intercesseur pour notre salut. Mais de vouloir un intercesseur pour nos prières, c'est une autre chose. On n'en parlera pas ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur l'intercession dans la prière de Jésus, ou si on a besoin d'un intercesseur, allez voir dans Romains 8, j'en parle aussi. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il nous convenait. Le mot convenir, là, c'est comme ça nous convient. C'est comme une espèce de, ça me convient que tu arrives à telle heure, ça me convient que tu m'offres un emploi. C'est pas dans ce sens-là que le mot convient, là. C'était utile, c'était obligatoire, c'était nécessaire, c'était sans équivoque. Nous avions besoin d'un sacrificateur, sans ce genre de sacrificateur-là, sans ce nouveau sacrificateur-là. On aurait été impossible d'être sauvé parfaitement. Quel genre de sacrificateur dit-il? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin d'offrir des péchés, des sacrifices pour ses péchés. Il n'a pas besoin. Parce qu'il est saint, il est innocent, il est sans tache, il est séparé des pécheurs, donc il est à part des pécheurs. Tu as tous les pécheurs d'un bord avec Aaron et tous les Lévites et tout le monde. Et tu as Jésus sur l'autre bord, qui lui est parfait, qui peut sauver les hommes et les femmes parfaitement. Et là, l'auteur va introduire quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas dit jusqu'à date, et il va le pousser plus loin dans les autres chapitres. Comment va-t-il faire cela? Comment va-t-il faire pour nous sauver parfaitement? Comment va-t-il offrir un sacrifice qui peut emmener à la perfection pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui? C'est qu'il dit, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Wow! Les autres prêtres offrent des sacrifices chaque jour pour leurs péchés et les péchés du peuple. Jésus va offrir un sacrifice une fois. Mais le sacrifice qu'il va faire, c'est lui-même. Oups, c'est nouveau. Dans l'ancienne alliance, ça se faisait pas. Mais ici, dans la nouvelle alliance, le nouveau souverain sacrificateur, Melchisedec, va offrir un sacrifice nouveau, un sacrifice différent des sacrifices de l'ancienne alliance. Il va s'offrir lui-même. Et ce sacrifice-là étant parfait, parce que lui est saint, est innocent, il est sans tache, il est plus élevé que les cieux, il va se prendre lui-même, il s'offre lui-même en sacrifice pour les péchés du peuple, donc il va emmener à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Les prêtres, pécheurs qu'ils étaient, offraient des taureaux, des agneaux, des chevreaux, toutes sortes de choses qui ne pouvaient pas enlever le péché dans le monde spirituel. C'était des symboles. Donc l'auteur est en train de dire ici aux Juifs, ne retournez pas en arrière à des sacrifices imparfaits. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de sacrifices pour faire l'expiation de vos péchés, parce qu'en retournant à la loi, c'est ce que vous dites, prenez le sacrifice parfait qui est offert en Jésus-Christ, et c'est prenez-le pour votre justification auprès de Dieu. Son sacrifice est beaucoup plus grand que le sacrifice d'un mouton. Si vous préférez offrir à Dieu une brebis pour votre salut, c'est un blasphème quand vous pouvez offrir à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ parfait, une fois pour toutes. Il bien dit, hein, il l'a fait une fois pour toutes. Il a fait un sacrifice et c'est terminé. Il s'est assis à la droite de Dieu. On va le voir la semaine prochaine. Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est fini, c'est terminé. J'ai accompli le ministère que je devais accomplir. Quel sacrificateur, mes frères et sœurs, que nous avons? Un sacrificateur parfait qui va offrir un sacrifice parfait qui est lui-même, afin d'amener tout le peuple des élus à la perfection. Il a offert un sacrifice une fois, il y a 2000 ans à la croix. Un sacrifice parfait, qui sauve tous les élus de tous les temps pour toujours. Quelle grande vérité! Un sacrifice parfait, ça suffisait. On a offert des millions et des millions et des millions de d'autres sacrifices qui n'ont jamais amené qui que ce soit à la perfection. Aaron, avec ses millions, millions, millions, millions, millions, millions de sacrifices qui n'ont jamais amené personne à la perfection, ou alors Jésus, avec un sacrifice qui amène à la perfection pour toujours. Lequel choisis-tu? Me semble c'est simple. Me semble c'est sensé. Me semble c'est logique. Qu'on va choisir Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est donc triste de voir des hommes et des femmes se tourner vers les saints, vers les Joseph, vers Marie, vers les papes, vers les morts, vers des hommes pécheurs, des prophètes de toutes sortes, Bouddha, Krishna, Mahomet incorporé. On s'approche d'être vil, d'être pécheur, d'être souillé. On s'approche d'être qui ont besoin d'être sauvés, eux autres aussi. Oui, on s'approchait de certains hommes, comme Aaron, qu'on savait qu'ils étaient des pécheurs, qu'on savait qu'ils devaient offrir des sacrifices eux autres-mêmes pour leurs propres péchés. Mais on le faisait en symbolique, comme de quoi on reconnaissait qu'on avait besoin d'un intermédiaire entre nous et Dieu, parce qu'on était imparfait, qu'on était pécheur. En attendant le sacrificateur parfait, en attendant le sacrifice parfait. À partir du chapitre 8, on va voir que ce sacrificateur parfait, avec un sacrifice parfait, va initier une alliance parfaite, une nouvelle alliance parfaite. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. On te bénit, on te loue, on te glorifie, on t'adore de nous avoir amenés à la perfection en Jésus. On reconnaît bien humblement qu'on n'aurait pu jamais, jamais, jamais s'approcher de toi. Puis encore aujourd'hui, on s'approche de toi avec la seule foi. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qu'on peut s'approcher. Donc, on te glorifie. On te glorifie à jamais. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous à faire connaître ces vérités-là à ceux qui ne te connaissent pas. Quand nous parlons, ne parlons pas d'une église, ne parlons pas de nous, mais parlons de notre grand prêtre, de notre souverain sacrificateur et de son sacrifice parfait qu'il a offert une fois pour toutes. Amen.